Vous êtes assez. 89.1. C'est fou. 89.1. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89.1. Attention, cher public. La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour cher public et bienvenue à une toute nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission d'actualité assez fou qui ne s'occupe pas des proverbiales vraies affaires. C'est avec moi-même Sébastien Gartin ainsi que Lucas Hubert. Bonjour. Et notre invité d'honneur d'aujourd'hui, Samuel Girard. Bonjour. Avant de commencer notre tour de table, juste un mot pour expliquer, cher public, que parfois on va décider d'impliquer quelqu'un qui gravite autour de ses fous et du zone campus dans nos niaiseries afin d'assaisonner un peu. Donc cette semaine, il s'agit de Samuel Girard qu'on connaît notamment à cause qu'il anime Génie en liberté avec Stéphanie... quoi dans le nom de famille? Romprez la loi. J'ai écouté d'ailleurs l'émission de ce matin. Oui. J'ai même contribué un peu. J'ai même contribué. As-tu lu un peu l'article que je t'ai envoyé? J'ai eu le temps de le regarder en diagonale avec le temps que j'avais à matin. Puis c'est pour ça que je l'ai partagé sur la page de Génie en liberté. Bon. Puis je vais pouvoir retourner lire sans problème après. De toute façon, je te relancerai tout à l'heure au sujet. C'est Sébastien. Ta semaine, Lucas? Ma semaine. Bon. Premièrement, je tiens à dire aux gens qui nous écoutent, ça se peut que vous m'entendiez tousser ou m'étouffer tout à l'heure pendant l'émission parce que j'ai eu un petit mal de gorge, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, sinon, ma semaine, il s'est pas passé grand-chose, c'est surtout dans l'actualité. Je crois qu'on peut pas vraiment passer à côté de ce qui, des révélations qu'on a eues à propos de Claude Jutras. D'ailleurs, t'en as parlé toi aussi, Samuel, à ton émission ce matin. Exactement. Et je te jure que le segment que j'avais préparé, je l'avais préparé avant d'entendre ce que tu avais à dire. Même là, ça me dérangerait même pas. Bon. Moi, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment très drôle à ce sujet-là, je parlerai pas tant de ce qui s'est passé avec Claude Jutras. Ce que j'ai trouvé vraiment drôle, surtout, c'est de voir quand la réaction de la droite en général dans les chroniques à la radio a été de dire « Mais ils sont où les artistes pour dénoncer ça? » Bon, je sais pas pourquoi les artistes devraient en soi dénoncer. Je veux dire, je crois pas que en soi, si un artiste se prononce pas contre la pédophilie, ça veut dire qu'il soit pour la pédophilie. Non, mais au moins ne pas défendre. Ce sera au moins le strict minimum. Non, absolument. Absolument, ça, je suis d'accord. Mais on a eu quoi? Deux personnes qui sont dans son entourage qui l'ont défendu. On parle de Marc Bellin et de Bégin. Christian Bégin. Oui. On parle de deux personnes. Mais moi, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est de voir justement sur la page Facebook de Dominique Moret de Radio X. Bon, lui, il était fâché. Là, il dit la petite gang, la petite clique, hein, qu'est-ce qu'elle fait maintenant quand que leur quand leur chouchou se fait attaquer? Il dit bon, quand que le gars-là a décidé qu'il allait changer de nom, ils ont dit excellente idée, mais tiens, où est donc passée une petite clique de censeurs et de profiteurs culturels pour dénoncer cette décision? Justement, il est dans, je trouve ça un peu paradoxal, là, je veux dire, pour vrai, on parle d'une personne qui a fait des actes de pédophilie et on sert de ça comme excuse pour attaquer des artistes ou la gauche ou une genre de clique métaphysique. J'appelle ça une belle vengeance, moi, je trouve. On dirait que c'est quelqu'un qui garde une certaine rancune et quand il y a des choses comme ça, c'est, on sort, puis c'est correct comme ça parce que je le fais moi-même des fois. Ouais, je t'ai entendu un matin, t'as eu exactement les mêmes commentaires que lui. J'étais comme, ben voyons. Pas exactement comme ça. Non, t'étais pas mal moins pire, je dois te donner le plus point. Plus posé un peu. Plus mais posé. Ça dépend de ce qu'on s'est fait faire, j'imagine. J'imagine. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? En fait, le point, c'est-à-dire que moi-même, je suis un artiste à mes heures, hein, je joue de la basse, puis je tenais à me dissocier de Claude Dutroux et de la pédophilie. Donc, je veux juste être sûr, là, le statement est clair, là, je suis contre la pédophilie. On espère. Voilà, c'est très bien, on ça. Espère. Sinon, dans l'actualité, on a eu aussi les Eagles of Death Metal, ça c'est le groupe qui jouait au Bataclan, qui ont décidé de refaire un spectacle pour terminer le spectacle qui avait été interrompu par la fusillade. Le chanteur de Eagle of Death Metal est un fier membre de la NSA, donc pour National Rifle Association. Je m'excuse. La NSA, c'est les services secrets. Ça. Oui, je m'excuse. On te pardonne parce que t'as un rhume. Merci. Bon, qui est allé dire que en fait. Il aurait vraiment fallu que tout le monde ait des armes. Comme ça, ça l'éviterait les fusillades comme ça. Bon, c'est sûr que les statistiques sont pas de son côté. Hein. Les pays où les gens ont plus d'armes ont plus de fusillades. Ça, c'est un fait. Mais bon, il y avait quand même des très bons arguments. Comme celui que, bon, Dieu a fait toutes les femmes et tous les hommes égaux. Donc, il faudrait que s'il y en a certains qui aient des armes, que tous aient des armes. Ça me semble, ma foi, un argument vraiment légitime. À part ça... il est allé dire que en fait, il trouve que être contre le port des armes, c'est utopiste, qui aimerait bien être de cet avis-là, mais que malheureusement, on vit dans un monde qui est donc bien cruel, puis il faudrait tout qu'on ait des armes pour ça. Bon. Le seul point peut-être où il y a à la limite raison, c'est quand il dit « Regardez qu'est-ce que les millions de dollars dépensés en contrôle d'armes à feu ont donné comme résultat. » À la limite, c'est le seul point où il y a peut-être une part « raison », entre guillemets. C'est effectivement, il y a des places où tu as beau contrôler autant que tu veux, il y a toujours moyen de contourner ça puis de quand même poser des gestes du genre. Mais ça dépend de quelle place. Justement, en France, des fusillades, il n'y en a pas eu énormément. Non, mais quand il y en a, ça arrive pareil, même si tu contrôles à côté puis que tu mets de l'argent là-dedans comme ça se peut pas. Mais ça, c'est un peu aussi le dilemme du casque de Bessic, tu sais. C'est parce que tu peux très bien dire, ben moi je porterai pas mon casque de Bessic, j'ai jamais pris de débarque en Bessic. Mais tu peux pas le savoir le nombre de traumatismes crâniens que ça l'a empêché parce que ça les a empêchés justement. C'est un peu tout le temps, avec ce genre de législation-là, c'est tout le temps ça le problème, c'est de trouver quand est-ce qu'on a assez légiféré. C'est là, on dirait des fois qu'il y a comme pas de limite. En tout cas, de mon point de vue, là, c'est surtout là que ça accroche. Et, ok, mais jusque où vous voulez. Pour ça, des fois, il faut y aller plus qualitativement puis dire sans dire qu'on est... Tu sais, je pense que de dire être pour ou contre le port des armes, c'est un peu... C'est plutôt être pour une certaine un certain contrôle des armes à feu. C'est-à-dire que quelqu'un qui clairement a des problèmes psychiatriques, par exemple, je vois pas qui pourrait être d'accord avec le fait qu'on lui permette de posséder une arme automatique. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut amener le débat, mais bon, ça, c'est encore un trait de philosophe. On tasse le débat au lieu d'essayer de le régler. Bon. Oui. Ouais. Ben j'en profiterai en fait, parlant de législation puis tout. Moi, je vais vous conter ce que j'ai pas fait cette semaine, c'est-à-dire consommer de la marijuana. Parce que, on se rappelle, le Parti libéral nous avait promis en campagne électorale, c'était une de ses promesses électorales, que la marijuana deviendrait légale au Canada avec le temps. Il a fallu que Ralph Goodale, le ministre responsable de la justice au fédéral, spécifie une semaine que la loi n'est pas encore passée, c'est pas encore légal la marijuana, c'est pas devenu légal quand ils ont été mis au pouvoir, donc arrêtez d'en consommer puis dire à la police « bon, on a le droit, Justin est au pouvoir ». Donc, dans la même veine, notre ministre des Finances, Carlos Leitão, ou en tout cas, je ne sais jamais comment le prononcer. Carlos Leitão. Leitão. Ouais. Carlos Leitão. A dit que le Québec avait pas le goût de s'en mêler, il y avait un malaise au gouvernement. Par la suite, il a modéré ses propos parce qu'il disait ah, il est hors de question que la SAQ s'occupe de ça, il est hors de question que le gouvernement du Québec soit impliqué là-dedans. Puis là, finalement, il s'est calmé parce que même les gens de la SAQ disaient, ben, nous autres, on n'a pas de problème, puis on trouverait ça très correct de s'en occuper. Sam, j'imagine que tu vas avoir quelque chose à rebondir là-dessus par rapport à la SAQ, mais reste que... Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais que t'es vraiment un grand fan de cette société d'État en particulier. Mais c'est ça, Monsieur Leitão a quand même modéré ses propos, puis il a dit, ben dans le fond, il a dit « on verra ». Il a encore emprunté l'expression consacrée de nos amis les caquistes, puis j'imagine qu'il s'est rendu compte que c'est pas tout le monde au Québec qui est mort de peur par rapport à la drogue. Parce que, bon, on le sait, entre quelqu'un qui a fumé un joint puis quelqu'un qui a bu un petit peu trop d'alcool, on s'entend que c'est le plus dangereux, c'est pas nécessairement celui qui est en train de voir des fleurs pousser sur la table en avant de lui. On s'entend, j'exagère un petit peu. C'est quand même un bon reflet de la réalité. Donc, non. Hey, OK. Vous l'avez dit? Oui, mais c'est bon, t'allais me poser une question. C'est... Effectivement, finalement, j'ai décidé de m'étouffer dessus. Non, j'ai rien à rajouter pour ce qui est de la marijuana. Sinon, je voulais juste rebondir pour ce que tu avais dit à ton émission, ce qu'on parlait tout à l'heure. Oui. C'est sur les analphabètes. C'est une statistique que j'ai moi-même utilisée très souvent. À tort, j'ai réalisé avec le chiffre qui avoisine le 50% qu'on entend souvent dans les médias. Exact, là, oui. Exact. Ça, en fait, ce qui est arrivé, c'est que la société qui calcule cette affaire-là, c'est pas que c'est faux que c'est 50%, en fait, c'est que c'est calculé d'avance. La méthodologie utilisée calcule qu'ils font passer les tests à un échantillon de gens et ils coupent à moitié. Et c'est là qu'ils posent, eux autres, ils appellent ça la littératie niveau 3. Donc, en fait, de base, la méthodologie est faite pour que ça soit 50%. Donc, c'est normal. Juste le 50% d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre, va être de moins ou de meilleure qualité. Donc, la statistique en tant que telle est une illusion, okay. C'est une chose. Mais je comprends, dans le fond, c'est qu'on change d'une place à l'autre où on positionne la ligne pour trancher qui est considéré comme un alphabète et qui est considéré comme étant correct, c'est ça? Exactement. Ça serait ce qu'il faudrait dire, en fait, c'est ça, c'est que, bon, c'est le niveau 3, il y a des qualités différentes des autres niveaux, évidemment, mais ça veut pas dire que tous les gens qui sont au niveau 3 ou inférieur sont analphabètes, bien au contraire. C'est tout simplement de dire, ben, c'est là qu'on a mis la limite. C'est que en fait, je pense que l'idée, c'est que cette recherche-là vise pas du tout à trouver exactement qui ne sait pas lire et écrire. C'est ça, qui ne sait pas lire, qui sait écrire, mais plutôt de donner une espèce d'ordre de grandeur des gens dans la société, comment est-ce que ça se déplace. Ça permet de comparer, entre autres, d'ailleurs, dans l'article que Lucas avait, on le partagera après sur notre page, après l'émission, oui. Parce que c'est très intéressant. C'est Jean Aymard qui a écrit l'article, si on parle bien de la même chose, oui. Je l'espère. Oui, c'est exactement ça, oui. Bref, je voulais juste rebondir là-dessus parce que j'ai longtemps fait cette erreur-là, moi aussi. Juste attends que je réalise que j'avais même un éditorial Oiseau de Campus qui se basait sur cette statistique-là. Puis c'est juste comme deux jours avant de l'envoyer l'article que j'ai réalisé et que j'ai vu cet article-là. J'ai fait « Oh, oups! » Non, mais c'est intéressant parce que, je sais pas si tu t'en rappelles, mais quand que j'en ai parlé de cette statistique-là, moi-même, j'ai dit « Pour moi, dans le 50%, c'est pas tous des gens qui savent pas lire et écrire, c'est qu'ils doivent mettre la barre à un certain niveau. » Habituellement, ce qu'on dit, littératie niveau 3, c'est analphabète fonctionnel, c'est-à-dire capable de lire un texte, mais le comprendre est un peu plus difficile, aussi okay. Que le texte monte en difficulté. Bref, c'était juste pour rebondir ça, pour les gens qui nous écoutent aussi. La statistique est une illusion, en fait. Faut pas dire ça, que 50% des gens sont analphabètes au Québec. Donc, cessons de dire cela. Voilà, on irait à notre prochain segment. Ouais, on serait rendu à notre champion de la semaine. Yeah! You are the best, but you say you don't know. You got the touch, now come on, let it shine, wow, yeah. Donc, notre champion de cette semaine, c'est Raymond Bachand. Puis c'est ça, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que c'est pas seulement pour son œuvre cette semaine, mais bien... depuis un certain temps, en fait. Parce que d'habitude, le champion de la semaine, c'est un segment où on félicite quelqu'un qui s'est démarqué dans l'actualité cette semaine par son incompétence ou sa langue de bois ou quelque chose comme ça. Donc, cette semaine, on a choisi Raymond Bachand à cause, de tout ce qui s'est passé avec Bombardier. Quel est le rapport? C'est que, on sait, Bombardier ont reçu cet automne une aide de plus de 1 milliard du gouvernement du Québec pour les aider à mettre en marché un produit dont la valeur est douteuse, disons-le comme ça. Et finalement, pour nous apprendre cette semaine que, la seule commande qui a été passée à date, c'est par Air Canada. Jusqu'à 75 appareils. Jusqu'à 75 appareils. Et que, malgré tout ça, Bombardier va slacker, permettez le terme, 7000 emplois, dont 2500 au Québec. Donc, on se demande pourquoi on a donné ça et quel est le rapport avec Raymond Bachand, ancien ministre des Finances du Québec, on s'en rappelle. C'est tout simplement que Raymond Bachand, c'est le lobbyiste officiel de Bombardier au gouvernement du Québec. Donc, on peut dire qu'il s'est négocié un beau deal avec ses anciens amis. Non, effectivement. Puis en fait, ce qui est vraiment intéressant avec les 2500 emplois perdus au Québec, c'est qu'à la base, la subvention du gouvernement, ce qui avait été dit par Philippe Couillard, c'était qu'il y avait présentement au Québec 1700 emplois qui dépendaient de la C-Series. Donc, on donne 1,6 milliard dans le but de sauvegarder 1700 emplois et finalement, comme les C-Series commencent à se vendre, on en perd 2500. Donc finalement, la subvention, c'était vraiment juste un petit bonbon, là, un petit cadeau. C'était juste un prétexte. Et effectivement, non, c'est le fun de voir qu'on a des bons politiciens comme ça, comme M. Bachand, qui ont vraiment à cœur l'intérêt du bien commun, de la population. C'est vraiment pas des gens carriéristes puis qui essayent juste de se placer et de se faire donner des bonbons un peu partout. C'est vraiment le fun de voir qu'on a des gens comme ça. Ouais, mais je trouve ça parce que je sais jamais si je peux me prononcer dans ce dossier-là parce que mon projet de maîtrise a dépendu du C-Series. Ah. C'est quand même un peu étrange, je dis comme ça, mais par la bande, je me suis ramassé carrément à faire partie des statistiques de ce qui touche à Bombardier. Et je regarde ça, puis je me dis, voyons donc, c'est quoi qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, une semaine ou deux après l'annonce pour le 1,6 milliard, il avait annoncé qu'il y avait des usines qui allaient fermer, qui allaient déménager au Mexique. Oui. Et là, en plus, on a présentement le gouvernement du Parti libéral du Québec qui fait énormément de pression. Le gouvernement libéral du Québec fait du lobbying auprès du Parti libéral du Canada en disant, mais vous aussi, vous devriez donner à Bombardier, ce qui est complètement ridicule. C'est rendu qu'on a un parti politique au pouvoir qui est lobbyiste pour une compagnie privée. C'est ça. Non, mais juste de base, tu donnes des subventions avec l'argent des Québécois. Le minimum devrait être que s'il y a des postes à couper, c'est de ne pas les couper au Québec au moins. Absolument. Qu'on soit pour ou contre, la subvention là, est donnée. Ben, au moins un minimum, faites pas n'importe quoi avec ça. Ça, c'est François Legault d'ailleurs qui l'a dit cette semaine à l'Assemblée nationale. Il a dit « Vous devriez renégocier le contrat pour la subvention. » Ça n'a pas d'allure, effectivement. Puis, dans le fond, on leur a payé leur déménagement au Mexique. Là. Oui, exactement. Puis c'est à plus forte raison quand on nous ramasse après. On a parlé de Rona il y a quelques semaines, qu'on perdait un fleuron de l'économie québécoise. C'est tout le temps l'argument qui ressort pour Bombardier. Même moi, je connais des péquistes en fait qui étaient pour ce move-là. Puis c'était ça qu'ils disaient, oui, mais c'est une entreprise qui vient d'ici, c'est une entreprise qui a ses racines ici. C'est ce qui fait connaître le Québec à l'étranger. C'est très, très rentable comme compagnie. Puis donc ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les fleurons québécois, mais on s'entend que ça marche rien que d'un bord, on dirait le fleuron québécois. Nous, on est très, très en admiration devant, mais quand eux autres ont l'occasion d'aller faire travailler du cheap labor, c'est bye-bye le nationalisme et le patriotisme. C'est ça, alors que petite parenthèse, il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de choisir le fameux cheap labor dont on parle, mais on a vu certains cas où il y aurait eu moyen, avec juste un peu de réingénierie, d'avoir un procédé moins coûteux que ce qui se fait, exemple, en Chine, avec notre main-d'œuvre coûteuse qu'on a ici. Et parce que les gens refusaient de faire ce petit investissement-là pour du génie conseil ou pour un peu de recherche et développement, ils préféraient déménager. Alors, je dis pas que c'est ça dans tous les cas, mais il y a des cas où on aurait pu garder les entreprises et les emplois ici, juste avec un peu de réingénierie. Ben effectivement, de toute façon, avec les coupes qu'on a en éducation, c'est sûr que l'innovation en tant que telle se mange la claque. En soi, ça nous aide pas du tout, là. Pas nécessairement, mais ça pourrait ouvrir tout un autre débat, je pense. Ouais. Dans ce cas-là, on va passer tout de suite à ton segment. Tu voulais nous parler de l'Académie, de l'Office québécoise de la langue française. Ça fait un moment que j'ai ce petit segment-là en banque, puis je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un très bon sujet pour discuter avec vous. Donc, j'ai dit, je vais vous l'amener. Qu'est-ce qui m'a un peu amené à vouloir en parler, c'est la fameuse pétition qu'il y a eu, dans laquelle ils ont accumulé plus de 18 000 noms. En fait, c'était 18 000 au moment où j'ai trouvé l'article, donc ça a dû continuer à augmenter. L'objectif était d'atteindre 20 000 noms et c'est pour l'abolition de l'OQLF, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment tanné de tout ça. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà eu des problèmes avec l'Office de protection de la langue française ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui suit les médias puis il est juste tanné d'en entendre parler de la façon dont on en parle, mais il veut plus que ça existe. Et qu'est-ce qu'il a remarqué, c'est que là, il a parti ça. C'est tranquille, on parle de l'OQLF dans les médias, il y a un boost de signatures sur sa pétition. Après ça, c'est tranquille pendant un moment. Deux semaines plus tard, on en reparle dans les médias, il y a un boost de signatures encore. Puis il est en train de traîner ça comme ça et il est en train d'atteindre son objectif de 20 000 signatures pour présenter ça au gouvernement. Je trouve ça un peu spécial. Mais en même temps, quand que je regarde, parce que dans mon émission, je prends beaucoup en fait, chaque fois que je trouve un article sur l'Office québécois de la langue française, je l'amène en onde et à chaque fois, c'est négatif. Pourquoi est-ce que c'est négatif? Parce que normalement, quand on a une société d'État, mais c'est pas vraiment ça. En tout cas, c'est encore un organisme gouvernemental. Oui. Tu peux dire ça comme ça? Oui. Ouais, c'est ça, je cherchais le bon terme. Donc, un organisme gouvernemental qui gobe des fonds publics et à chaque fois qu'on en entend parler, c'est pas parce qu'ils ont nécessairement reçu une plainte, c'est parce qu'ils se cherchent du travail. OK? Et j'en viens à un point de me dire, est-ce que quand un organisme gouvernemental est rendu à se chercher du travail, est-ce qu'il est encore pertinent? Ben c'est effectivement une bonne question à poser. Moi, je peux peut-être, parce que c'est drôle parce que tu parlais de ton sujet de maîtrise, puis moi, ça rentre un peu dans le mien, cette histoire-là. Mais historiquement, un peu l'utilité de l'OQLF, c'était un peu comme ça s'inscrit dans la même vague que la fameuse loi 101, qui est d'ailleurs, puis là encore, j'ai pas le goût de tomber dans l'attaque ad hominem, mais la personne qui a parti de ce sondage-là, cette pétition-là dont tu parles, si ma mémoire est bonne, c'est malheureusement un anglophone de l'ouest de l'île de Montréal. Parce que ça, on le sait, dans le milieu anglophone à Montréal, il y a une certaine... Puis ça, d'ailleurs, ça, c'est un peu les deux solitudes québécoises, là, la minorité anglophone qui se sent constamment attaquée par tout ce qui est francophone. Juste aller voir les commentaires sur les articles du Montreal Gazette, qui est un très bon journal en dehors de ça, mais les commentaires, c'est assez magnifique avec quel... Comment est-ce que les gens sont capables... Moi, je trouve que c'est un art à quel point est-ce que les gens sont capables de tout ramener au fait que... à l'espèce d'idée comme quoi est-ce que les francophones, on aurait une haine viscérale des anglophones, puis tout ce qui serait fait par le gouvernement du Québec, ça serait en vue de ça, y compris les libéraux. Donc, je trouve ça un peu spécial quand on ramène ça à ça. Là. C'est assez flyé. C'est assez flyé des fois ce qu'on peut y lire. Mais c'est que l'idée de la loi 101 puis l'idée de l'OQLF à la base. Puis là, je suis pas en train de parler du tout du. Moi, là, je suis plus dans le. Je suis un peu. On parle pas du Pastagate, là. Ouais, mais c'est parce que c'est ça. C'est parce que c'était mon prochain bon point exemple. Que je c'est où ce que. Puis c'est un peu. On va partir d'un peu, comment je dirais, un peu plus abstrait que ça. L'idée derrière ça, la mission derrière ça. Puis là, je suis pas en train de dire qu'elle a rempli. Puis toi, c'est un peu là que tu dis. C'est que tu dis que cette mission-là n'est pas remplie. Mais la mission de la loi 101 et de l'OQLF, c'est tout simplement c'est de défendre la langue française. Pourquoi faut défendre la langue française au Québec? Ben, il y a une chose qu'on appelle le fait français en Amérique, c'est-à-dire le fait qu'il y a au Québec, mettons, on va dire 6 millions à peu près de francophones, dans un océan de plusieurs centaines de millions d'anglophones. Donc, c'est sûr que nous, on vit constamment avec de l'anglais un peu partout autour. On est, veut pas, un petit peu comme assiégé dans notre province de ce point de vue-là. Puis là, je veux pas reprendre toutes les métaphores là, d'oppresseurs, d'opposants, puis tout, mais c'est seulement que ça nous demande. Puis ça, d'ailleurs, ça a été validé par beaucoup entre autres de philosophes, de gens en sciences politiques, qui sont anglophones eux-autres même. D'ailleurs, les Ontariens travaillent énormément sur ces questions-là, paradoxalement, parce qu'ils ont des minorités francophones eux-autres aussi, mais ils travaillent sur ce qui se fait au Québec, puis ça sert souvent de cas d'école. De minorités francophones en croissance en Ontario, Manitoba. Ah, tu vois, j'ai pas eu ces chiffres-là. Ah, oui, quand j'ai cherché pour justement cet article-là, les chiffres que j'avais trouvés, c'était une croissance de ce niveau-là. C'est drôle, bon. J'avais vu, il me semble que j'avais lu des chiffres contraires. C'est ça qui est bizarre, hein? Il y a bien des affaires parce que ça dépend. Est-ce qu'on compte les gens que c'est leur langue maternelle, le français? Est-ce qu'on compte les gens qui adoptent le français? Est-ce qu'on compte là-dedans les gens qui sont partis du Québec pour aller vivre dans ces provinces-là? Est-ce que des fois, c'est difficile à... C'est sûr, ça fait changer l'interprétation. L'immigration internationale, entre guillemets, oui. Parce que là, je parlais de migration intérieure, là, des Québécois qui s'en vont vivre dans l'Ouest. Mais il y a aussi ben, l'immigration internationale, les pays maghrébins, il y a beaucoup de francophones là-dedans. Il y a beaucoup, une bonne partie de l'immigration qui vient de là. Il y a ça. Mais où ce que je voulais en venir avec tout ça, c'est ça, c'est que sur le principe, c'est que c'est assez établi que, bon, il y a eu, comme je disais, surtout la loi 101, il y a eu, de la part de beaucoup d'anglophones, c'est perçu comme un mouvement d'oppression et de... Alors que la loi 101, même, elle a été amendée, parce que dans sa première mouture, était effectivement, elle allait un peu trop loin, mais elle a été amendée pour laisser plus de liberté, puis c'est assez reconnu, je dirais, ben, y compris, comme je disais, chez les savants du domaine, là, qui sont entre autres ontariens, parce qu'eux autres travaillent beaucoup là-dessus, que c'est un bon exemple de ce qui peut se faire en termes de protection de la langue commune. Parce que c'est ça, la langue commune au Québec, c'est le français, puis on serait même, à la limite, le Québec pourrait très bien ne pas reconnaître le droit, par exemple, d'avoir des écoles anglophones. C'est pour des questions historiques, entre autres, des questions de respect de cette grande minorité-là qui est la minorité anglophone au Québec. Puis ainsi de suite. Puis là, je parle beaucoup en termes de principes. Donc, pourquoi est-ce que ça a été créé à la base? Là, la question à laquelle on en vient, c'est est-ce que ça remplit encore cet office-là? Mais c'est ça, puis c'est ce que j'ai de la misère. Dans le fond, qu'est-ce que je répète souvent, c'est qu'on a un rôle au départ à donner à une société d'État, à une branche du gouvernement, qu'on leur donne une mission. Mais est-ce que, des fois, on devrait pas réévaluer leur pertinence? OK, meilleur exemple, les commissions scolaires, c'était pour rendre ça accessible à grandeur du Québec. Parfait, maintenant que ce l'est, est-ce qu'on peut réévaluer le rôle des commissions scolaires? La SAQ, c'était pour rendre l'alcool accessible à tous. Aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes mentalités que les années 60. Est-ce qu'on peut réévaluer leur rôle? Il y a plein de choses comme ça. Les syndicats, c'était pour défendre les travailleurs. Aujourd'hui, on a des règles au travail, on a une façon différente de faire. Est-ce qu'on peut réévaluer leur façon de faire les choses? On dirait qu'on remet jamais en question et l'OQLF en fait partie. Aujourd'hui, s'ils veulent avoir du travail, il y a la fameuse histoire du Pastagate. Ils vont écœurer des petits commerces qui ont utilisé un nom simili anglophone pour leur commerce. Ils vont partir avec l'argent des contribuables pour aller poursuivre des chaînes comme Walmart pour qu'ils rajoutent le magasin Walmart. C'est là que j'ai de la misère. Ben effectivement, puis là tu parles de l'argent des contribuables et de... Bon, il y a... C'est ça que j'aime ça, dire ça. Ouais, c'est ça, c'est un de tes mots-clés. Mais c'est ça, la question, en fait, c'est de savoir, ben est-ce que la mission à l'époque, est-ce qu'elle est mieux remplie par autre chose, la mission qu'elle avait? Dans le fond, est-ce que le français est assez bien protégé présentement au Québec? C'est sûr que c'est le genre de question, puis tu parlais des droits des travailleurs aussi, puis un peu dans tous ces cas-là, ce qu'il faut se demander, c'est pas, bon, OK, on est rendu à un certain niveau dans la protection ou dans les droits ou whatever, est-ce que, rendu là, c'est drôle de parler de français parce que je fais des anglicismes depuis tantôt, j'en suis désolé, mais tu sais, la question, c'est pas, bon, c'est pas un ouvrage achevé, ça, ce genre de choses-là. Cependant, est-ce que, dans sa forme actuelle, comme tu parlais des commissions scolaires, leur mission, bon, les commissions scolaires, c'est quelque chose qui revient souvent, est-ce qu'on devrait les abolir purement et simplement, ou est-ce qu'on devrait, on devrait pas plutôt, bon... Tu sais, il y a un peu une idée de pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus, tu sais, parce qu'on va peut-être recréer les problèmes que ça réglait. Tu sais, on parlait de mesures de protection tantôt. Tu sais, on pourra jamais savoir à quel point ça a été efficace. Mais c'est ça. En fait, le point que je voulais amener, c'est que nécessairement, j'irais pas nécessairement avec l'abolition de l'OQLF. Mais est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on peut revoir le mandat? C'est ça. Est-ce que d'abord, on vous donne trop de ressources? Avez-vous trop de personnel pour qu'est-ce qu'on a actuellement? Mais de garder ça, là, pareil. Mais il y a des choses qui se font, mettons, de la recherche, qui sont extrêmement intéressantes, qui sont faites à l'OQLF. Quand on parle, par exemple, de tout chercher à traduire en français des termes anglais, qu'on parle de balado-diffusion, oui, c'est l'OQLF. Effectivement. Spoiler en français, savez-vous c'est quoi? Divulgacheur. Divulgacheur. Oui. Des choses comme ça qui vont pas nécessairement être très utilisées dans les milieux populaires, mais que c'est bien qu'on ait cet organisme-là qui puisse en donner une version, disons, qu'on peut dire dans un travail ou dans des trucs. Bon, mais ça, regarde, mettons, tu essaies de trouver une utilité. Absolument. Bon, ben d'abord, on peut garder ça, Mais d'abord, est-ce qu'on peut dire aux personnes qui font juste se promener de commerce en commerce pour leur donner des amendes complètement ridicules parce qu'il y a un nom spécial sur le menu ou il y a un nom spécial sur l'affichage? Je veux dire, tant que je rentre dans un magasin et que c'est pas unilingue anglophone, j'ai pas de raison de me plaindre ou quoi que ce soit. Des fois, j'ai l'impression qu'on va trop vers le zèle comme prétexte d'avoir du travail à faire. Mais ça tu touches à quelque chose, puis là encore, on arrive vers l'heure de la pause, mais on pourrait en parler longtemps. Tu sais, la culture un peu du justifier sa job, justifier son poste, ça, c'est un problème présentement, puis tu sais, il y a peut-être certaines insécurités par rapport à ça, qui, tu sais, des trucs très humains qui justifient ça, mais... À un moment donné, c'est parce que c'est comme tu disais, c'est là où on va tomber d'accord aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est quand même notre argent collectif, faudrait qu'il soit bien utilisé. T'sais. Et j'aime ça qu'il soit à la bonne place. C'est parfait. Sur ça, on va aller en pause publicitaire. Ouais, il va falloir que je vous quitte. Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu à l'émission. Ça fait plaisir. Merci. Très intéressant de discuter avec vous deux. Absolument. Ben, écoute, on se reprendra. Certain. Vous êtes assez. 89.1. C'est fou! Monsieur le pilote, j'aime bien vos nouvelles lunettes. C'est quand même spécial, là, des Ray-Ban noirs. Ah, merci. Mais ça doit cacher les rayons. Oui. Mais là, par contre, on perd quand même 500 mètres d'altitude par seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Attends une minute, je vais vérifier ça. Rex! Ouais, tu vas remonter ça de 300 mètres. C'est qui ça, Rex? C'est mon chien Mira. Hein? Il y a des choses qui s'improvisent pas. Pour tout le reste, il y a la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, les lundis 20h à la Chasse-Galerie de l'UQTR. Prochain match, 22 février. Les Rouges affrontent les Verts. Relax, déconnecte, mot-clic, ose la huître. Vendredi le 19 février, 21h30, le Zénob a le bonheur d'accueillir la formation saguenéenne Sweetgrass. Pour une soirée folk acoustique remplie d'harmonie, soyez avec nous au Zénob pour le spectacle de Sweetgrass ce vendredi 19 février. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Connais-tu ton alma mater? Du 15 au 25 février, le Bureau des diplômés présente le concours en ligne offert à tous les étudiants de l'UQTR « Connais-tu ton alma mater? » Comment participer? C'est simple. Rends-toi sur la page uqtr.ca/diplôme/circuit/quiz, remplis le formulaire en ligne et cours la chance de remporter une des deux cartes Visa prépayées d'une valeur de 250 $ chacune. Du 15 au 25 février, participe au concours « Connais-tu ton alma mater? » Vous êtes assez. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de Cifou 89.1 FM qui fesse dans l'actualité à grands coups d'amour. Avec moi-même, Sébastien Gartin et Lucas Hubert. Rebonjour. Avant la pause, on avait Samuel Girard de Génie en liberté qui était venu discuter de l'Office de la langue française du Québec avec nous. Il a dû partir malheureusement. Ça nous mène à notre éditorial. Petit jingle qu'on imagine. Donc, un jour, je vais les faire. Promis. Donc, cette semaine, c'est moi qui fais l'éditorial. J'étais pour parler de la nouvelle politique énergétique 2016-2025. J'ai écrit 2015 sur ma feuille. Ça a failli pas paraître, puis moi, je t'allais dire en nom de pareil. Donc, qu'est-ce que la nouvelle politique énergétique 2016-2025? Bon, on a eu une politique énergétique qui prenait fin en 2015, dans le fond. Ça, en gros, c'est les grandes lignes de comment est-ce que le Québec va gérer tout ce qui est en lien avec l'énergie, donc autant les énergies fossiles que l'hydroélectricité, tout ça. Comment est-ce que le Québec va faire, entre autres, pour accéder aux demandes en énergie, autant de la population que des industries. Donc, c'est dévoilé en très petite pompe aujourd'hui. On pourrait presque dire, si on était Jean-Sébastien Girard, en petite pompette aujourd'hui. Dans le fond, Pierre Arcan, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que du Plan Nord et responsable de la Côte-Nord, beaucoup de responsabilités, fait un genre de présentation dans un cabinet d'avocats qui s'appelle Lavery ou Lavery, je ne sais pas trop, qui est un cabinet d'avocats spécialisé dans l'industrie gazière et minière, en collaboration avec la firme Hatley, qui est des spécialistes en relations gouvernementales. Autrement dit, c'est des plugueux de lobbyistes. On parlait de lobby tantôt, là, entre autres notre champion de la semaine. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est en très petite pompe, c'est que les gens ne sont pas invités à ça. Ça se fait avec les gens de l'industrie, donc déjà là, un peu dommage, on aurait aimé ça le savoir. Apparemment que ça va être coulé dans les prochaines semaines là, au commun, pour le commun des mortels. D'ailleurs, dans Le Devoir, il y avait un article dans Le Devoir hier, que je vais mettre d'ailleurs sur notre page Facebook. D'ailleurs, allez la liker, la sortie de secours à votre gauche, après l'émission. Donc, dans Le Devoir, dans l'article du Devoir, on faisait une blague sur le fait que clairement le ministère des Ressources naturelles n'a pas appris de la commission Charbonneau, parce que c'est encore toute la même clique, c'est des gens très proches des libéraux, c'est pour beaucoup, plusieurs anciens ministres entre autres, qui travaillent entre autres dans ce cabinet d'avocats et dans cette firme de relations gouvernementales là. Donc ça fait un petit peu plate, ça nous laisse un goût amer dans la bouche. Ceci étant dit, moi, j'ai décidé de me... Puis là encore, ça va être disponible sur après l'émission sur notre page Facebook. Moi, j'ai décidé de lire le document de travail, dans le fond, qui avait été publié l'année dernière. Là, je pense que c'était de quoi comme au printemps dernier. Ça a dû être plaisant, ça. C'est 69 pages de pur plaisir. On s'entend, il y a des trucs que j'ai lus en diagonale, mais ce que j'en retiens beaucoup, puis on s'entend, c'est pas la politique, c'est... un peu l'amorce de réflexion qui mène à la politique. Quelles sont les conclusions de la politique précédente et vers quoi on croit qu'on s'en va? Bon, premièrement, les grands perdants de cette réflexion-là, ben, c'est l'environnement. On dit, en parenthèse parfois, ben, d'ailleurs, ça, cette mesure-là qu'on suggère ou telle chose-là va aider à la réduction des gaz à effet de serre, par exemple, des trucs comme ça. Mais on parle très peu d'empreintes environnementales. Il y a quelques paragraphes à ce sujet-là, donc c'est pas complètement absent, mais on se serait attendu un peu plus. On est quand même en 2016. On était au... On se rappelle les déclarations de notre premier ministre Couillard au forum à la rencontre de Paris, entre autres, que, ah oui, nous, le Québec, là, on va être carboneutre et tout le kit. Oui, il s'est découvert vraiment une ferveur environnementaliste. Une fibre enverdeuse, comme diraient les mauvaises lignes. Les mauvaises lignes, les mauvaises langues, plutôt. Mais c'est ça, donc on se serait attendu à quand même qu'il y ait un peu plus de place à l'environnement là-dedans. Les autres grandes perdantes de cet exercice-là, en fait, je trouve, c'est la population. Parce qu'entre autres, ben, c'est sûr qu'un des thèmes centrales de tout ça, ben, c'est Hydro-Québec. C'est l'électricité, la place de l'hydroélectricité, la place de l'éolien. C'est bien d'ailleurs, on a annoncé qu'on développerait l'éolien, mais pas en moron comme on a fait dans les dernières décennies. C'est-à-dire que l'on ferait de l'éolien qui serait rentable cette fois. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, l'éolien était rentable à la base quand le projet avait été lancé. C'est la découverte des gaz de schiste qui a diminué la dépendance des États-Unis envers nous, qui nous a obligés de vendre à perte. Effectivement, mais n'en demeure pas moins que c'est supposé d'être pris en compte ces nouveaux faits-là aussi dans les nouveaux développements. Mais ça, là encore, ça va faire partie des annonces qu'on va voir dans les prochaines semaines. Donc là encore, on ne peut pas tout à fait se positionner, même si ça a été sous-entendu que ça serait probablement encore en PPP, c'est-à-dire en partenariat public-privé. Ce qui, malheureusement, très souvent implique que les coûts faramineux d'investissement vont être défrayés par le public et les profits vont être amassés par le privé. Mais là encore, ne soyons pas de mauvaise foi et espérons que cette fois-ci sera différent. Donc, comme je disais, les grands perdants, en fait, ben, les grands oubliés, je dirais, c'est la population québécoise. C'est-à-dire, on parle très peu On parle très peu de ce qui de monsieur, madame, tout le monde, parce que présentement, c'est un des problèmes. L'Hydro-Québec, on voit des nouvelles là, comme quoi est-ce que l'Hydro-Québec perd des millions en frais de recouvrement de gens qui sont plus capables de payer. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra se faire à l'idée que, garde l'électricité au Québec, il y aurait peut-être moyen d'arranger ça différemment pour que les gens y aient mieux accès. Donc, puis on parle très peu de ça. On parle que il y a eu beaucoup d'économies d'énergie réalisées. Du point de vue de la population, justement, mais que là-dessus, on ne peut plus faire grand-chose. On parlait, entre autres, des nouvelles constructions, de choses comme ça, qui sont plus éco-énergétiques, des maisons qui coûtent moins cher à chauffer, par exemple. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait aussi une ouverture face aux gens qui pourraient installer, qui pourraient, à leur propre compte, installer des éoliennes ou bien non... Il y a effectivement des panneaux ça. Solaires, tout ça. Effectivement ça, ça rentre dans les bons points. Oui, puis ils vont même pouvoir revendre leur propre surplus à Hydro-Québec. Oui, comme il se fait au Vermont présentement. C'est vraiment une bonne idée. Oui, d'ailleurs, si le Vermont fait, généralement, c'est pas une mauvaise idée. Mais l'état de Bernie, d'ailleurs, on le salue. Donc, l'autre chose aussi, ce qui m'a dérangé très rapidement, parce qu'après ça, je veux quand même dire, parce que j'ai trouvé quand même des bons points là-dedans, dont ça, d'ailleurs, ce que tu viens de dire. Mais dernier mauvais point, moi, ce qui m'achale, c'est qu'il y a immensément beaucoup d'importance qui a été mise sur la productivité des industries. C'est ça, c'était le gros noyau, c'était de dire, ben, on veut que les industries se mettent aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique parce qu'ils vont être plus productifs, donc vont pouvoir. Puis là, on nous ressort la théorie du trickle-down économique, c'est-à-dire que, bon, ben, les industries québécoises vont être plus productives, premièrement, ils n'auront pas besoin de faire comme Bombardier, ils pourront plus renvoyer leur production au Mexique ou des trucs comme ça, où il y a du cheap labor, donc, étant donné qu'ils vont être plus productifs ici. Ils vont pouvoir, donner leur redevance au Québec, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est une affaire qui m'achale énormément parce qu'on met encore là l'emphase sur l'industriel. Mais bon, ça, c'est dans les points négatifs. Pour les bons points, premièrement, l'emphase est beaucoup mise sur justement l'efficacité énergétique plutôt que la production énergétique. C'est même considéré comme maintenant comme une nouvelle ressource, c'est-à-dire les gains en énergie qu'on peut aller chercher pour en augmentant les moyens de production, en construisant plus d'éoliennes ou en construisant plus de barrages ou de peu importe le type de centrale qu'on parle, mais bien de mieux utiliser l'énergie qu'on a qui est déjà disponible. Ce qui, à mon sens, est une très bonne nouvelle qu'on commence à parler vraiment de développement durable pour de vrai. On déplore aussi, puis ça, c'est une chose que je trouve le fun d'entendre dans un truc gouvernemental, c'est qu'on déplore que les industries, d'ailleurs comme les gens, ne sont pas conscients des bienfaits que ça pourrait leur apporter d'être plus efficaces par rapport à l'énergie. On parle aussi de solutions comportementales plutôt que technologiques, c'est-à-dire d'essayer tranquillement, pas vite, changer comment est-ce que les gens consomment leur énergie, autant la population que les compagnies. Donc, c'est tout ça. Je pense que, comme je dis, je termine sur le bon parce que je pense qu'il y en a du bon. Ce que je vais déplorer, ben, premièrement, on parle de ça, puis en même temps, d'un autre côté, on a la valse hésitation de Philippe Couillard par rapport à sa relation avec la compagnie Petrolia qui veut exploiter le pétrole sur l'île d'Anticosti. On dirait qu'il semble vouloir préparer le terrain pour être obligé d'accepter les conditions de la compagnie avec ce qu'il a fait parce que c'était très maladroit. On pourra en reparler une autre fois. Puis surtout, ce que je déplore le plus, c'est que là encore, comme je disais, c'est très confidentiel présentement, toute cette histoire-là. Puis, Colin, surtout au Québec en particulier, la politique énergétique, c'est quelque chose qui devrait se faire dans un débat public. Moi, je serais pas contre qu'il y ait un référendum par rapport à ça. C'est un mot qui fait bien peur, mais oui, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que la population puisse parler plus que du fait d'avoir élu eux autres sur des questions aussi grandes et larges que ça, qui sont des grandes orientations de notre société. Donc, présentement, ça se fait juste entre une certaine élite économique, puis ça, je déplore ça parce que la population est laissée en dehors de ça. C'était ça pour mon éditorial. Merci beaucoup. On s'en va en musique avec les Connards à l'orange. Excusez-le, on a changé de chanson en dernière minute, d'ailleurs. Et c'est le magasin des choses utiles. Des choses utiles. Une entreprise enfin qui ose vendre des choses qui servent à quelque chose. Je sais que ça fait drôle à attendre, c'est un petit peu comme un non-sens. Attends de voir ce qu'on a à vendre. On a des cures de jouvence pour rendre leur jeunesse aux vieux, et puis des ailes de plaisance pour faire s'envoler les curieux. On a des éclats de rire en canne et puis de la gentillesse en vrac. Des repas qui finissent jamais, des bouteilles d'eau toujours remplies. On a des amours immortels et des amitiés infinies. Des secondes chances contre les erreurs, on va le droit de recommencer. Enfance pour ceux qui sont faits partasser. Du savon qui lave les consciences. Des arbres qui poussent en une journée. Un seul bon pour toutes les souffrances. C'est quand même pratique à traîner. C'est quand même pratique à traîner. Le magasin des choses utiles. C'est comme un magasin normal. Le magasin des choses utiles. C'est comme un magasin normal. Sauf qu'on y va des choses utiles. We'll be right back. sauf notre sac de sourire d'enfer pour petits gueux sans descendant. On a des membres de remplacement, on a même des nouveaux cerveaux. J'espère que les étés souvent soient convaincus d'avoir ce qu'il faut pour réfléchir convenablement. Les chiffres sont un peu décevants. Des cerveaux, on en va pas gros. Des cerveaux, on en va pas gros. Le magasin des choses utiles, c'est comme un magasin normal. Le magasin des choses utiles, c'est comme un magasin normal. Sauf qu'on y vend des choses utiles. On a des réponses toujours bonnes aux questions de tous les problèmes. Puis même des guns qui tuent les guns. C'est pas une boutique mercantile. On prend pas l'argent de toute façon. Donc, c'était le magasin des choses utiles du groupe Les Connards à l'Orange. On aime beaucoup le nom, d'ailleurs. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche avec moi-même, Sébastien Gertin, et Lucas Hubert. Encore, toujours, évidemment. On est rendu à la politique fiction par oui. Lucas. Oui. Moi, cette semaine, j'ai décidé que j'allais vous parler de Star Trek. Parce que j'en ai un peu marre d'entendre parler de Star Wars, donc je vais me reprendre. Donc, t'es tanné des bonnes franchises, dans le fond, si je comprends bien. Non, pas du tout, c'est pour ça que je vous en parlais. D'ailleurs, ils vont faire une nouvelle série de Star Trek qui va sortir en 2017. J'ai pas plus d'informations que ça, mais j'ai bien hâte. Mais bon, de manière générale, Star Trek, une des raisons pourquoi que c'est bien aimé normalement dans les milieux de gauche, c'est que, de base, Star Trek représente la philosophie du siècle des Lumières. Je vous explique ça. En gros, c'est qu'au siècle des Lumières, qui est le siècle des Lumières, c'est le 18e siècle, on croyait que tous les progrès techniques, scientifiques, dans les connaissances, dans l'art, tout ça, ça allait amener nécessairement un progrès moral dans nos sociétés. Donc, dans le fond, que la technologie et la culture allaient rendre les sociétés plus justes. Exact. Il y a eu Rousseau qui s'est mis en faux par rapport à ça, qui a dit non, c'est pas à cause qu'on se fait des meilleures armes qu'on va devenir des meilleures personnes. L'histoire a presque prouvé que Rousseau avait raison sur ce point-là. Mais bon, pour ce qui est de Star Trek, c'est que les inventeurs de Star Trek, la série originale en 63, étaient des fans justement de la philosophie des Lumières. C'était des socialistes. Le mot fait peur. Comme Bernie, oui. Et eux autres, en fait, ont voulu faire une série en se disant, admettons que les philosophes des Lumières avaient eu raison. Qu'est-ce que ça donnerait? Donc, ce qu'a donné la série Star Trek. Bon, Star Trek, de base, pour l'émission, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait de un, ça l'avait fait scandale quand il avait proposé ça à Maison de Production, parce que dans le vaisseau, dans l'équipage, les gens qui sont haut placés, dans les hiérarchies, il y avait des femmes. Ça, la maison de production, on dit « Hey, c'est bien beau la science-fiction, mais ça, c'est un peu exagéré. On aimerait ça que vous enleviez ça. » Puis ils ont tenu leur bout. Ils ont dit « Non, on va laisser ça. » D'ailleurs, il y a une de ces femmes-là qui était même une femme de couleur. Oui, en plus. Puis ça, d'ailleurs, ça avait fait scandale parce que aux États-Unis, le premier baiser entre une femme de couleur et un blanc, ça a été dans Star Trek, qui c'était justement elle qui a embrassé le capitaine. Le fameux Captain Kirk. Et voilà, ça l'a fait scandale. Tous les médias étaient fâchés. Puis même, en plus, il avait fait ça un peu... dans le fond, le capitaine, quand il l'embrassait, il était possédé par un esprit. Juste pour dire, pour être bien certain, qu'on se gardait quand même une petite gêne. Yep. Ça rappelle un peu à l'époque de la modernité, quand les connaissances scientifiques commençaient à arriver et que les scientifiques, eux-mêmes, se faisaient forcer d'abjurer de nier un peu leur découverte parce que ça faisait pas l'affaire du clergé. On dirait que c'est un peu le même genre de, exactement. De situation. Puis pourtant, c'est v'là 50 ans. Effectivement. Puis donc, ce qui est arrivé, c'est que l'actrice a reçu des menaces de mort énormément. Elle a donné cette émission de Star Trek. parce qu'elle n'était plus capable de vivre avec autant de pression que ça. Et c'est Martin Luther King qui est allé voir l'actrice puis qui a dit « Non, tu retournes dans Star Trek, on a besoin de toi, les gens de couleur ont besoin de toi comme modèle, on a besoin de toi à la télévision pour le montrer que ça se fait. » Que ça se fait réussir à montrer dans les hiérarchies. Pour amener dans l'inconscient collectif que oui, des personnes de couleur, des femmes qui plus est, sont capables de se rendre loin dans la vie, sont pas obligées de rester dans les bas-fonds de la société. Effectivement. Ça, c'est une affaire qui est régulière dans Star Trek. Chaque, tu sais, il y a plusieurs séries de Star Trek. Et dans chaque série, ça se passe avant ou après la série originale. Et toutes celles qui se passent après la série originale, les gens sont encore plus moraux que dans la série originale. Et toutes celles qui se passent avant, les gens sont moins moraux. Puis d'ailleurs, je crois que même quand les systèmes politiques changent aussi, ceux qui sont plus dans le futur, qui sont plus tard après la série originale, tendent plus vers, mettons, des sociétés plus libertaires, c'est-à-dire moins hiérarchisées, plus proche, mettons, d'une certaine forme d'anarchisme rationnel. Absolument. En fait, Star Trek, ce qu'ils disent dans Star Trek, c'est que ça se passe dans une société post-capitaliste. En réalité, c'est carrément du socialisme quand on analyse un peu ce qui se passe. En fait, c'est qu'eux autres ont pris comme pari que, éventuellement, les technologies, la science, allaient permettre de vivre dans l'abondance et que, bon, il n'y aurait plus matière à obliger les gens à travailler. Eux autres ont pris le pari, puis ça, c'est un des grands débats en philosophie. Les débats gauche-droite, souvent, si on essaie d'abstraire ça, c'est une question qui revient souvent, qui est vraiment à la base de tout. C'est s'il n'y a pas d'appât du gain, est-ce que les gens travailleraient? Et eux autres ont pris le pari que oui, on a un besoin, les êtres humains ont nécessairement un besoin d'accomplissement. Donc, ce qui fait que dans Star Trek, dans la société de Star Trek, les gens qui travaillent, c'est parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils veulent. Les gens qui vont dans Starfleet, qui veulent devenir capitaine de vaisseau, c'est parce qu'ils ont le besoin de s'accomplir, qu'ils le font parce qu'ils en ont envie et que s'ils préféraient rester chez eux à glander sur Facebook, ils pourraient. Mais en même temps, on le voit, c'est assez évident. Si on se faisait dire, mettons, ben, regarde, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais tu sais, tu as la possibilité de t'enrôler sur un vaisseau spatial, d'aller découvrir les recoins inexplorés de la galaxie. Surtout que les vaisseaux spatiaux dans Star Trek sont beaucoup plus... c'est comme des petites villes, en fait. Là. C'est ouais. Très confortable. Là. C'est pas comme nos fusées actuelles. Si tu fais dire ça, il me semble que t'as bien beau pas être payé pour le faire, mais c'est stimulant. T'sais. Ben, exactement, mais c'est pas juste ça qui est stimulant. À peu près n'importe... Je crois pas que... Là-dessus, je crois que c'est un pari qui est assez rationnel. Je crois que si des sociétés réussissaient à vivre dans l'abondance... les gens resteraient pas chez eux à écouter la voix là, à tous les soirs de la semaine. Un exemple de ça, d'ailleurs, on parlait il y a quelques semaines du revenu minimum garanti. Oui. C'est un bel exemple de ça. Juste pour l'expliquer, c'est quelque chose qui va peut-être venir au Québec, c'est-à-dire qu'on va avoir chaque adulte va avoir droit à un certain montant qu'il va recevoir par le gouvernement pour couvrir ses dépenses de base, pour dire que personne va être dans le besoin. Puis ça a été testé à certains endroits, puis une des choses qui revenait beaucoup, c'était ça que les gens avaient bien peur, c'est qu'ils se disaient, ben là, si on leur paye le foyer, la bouffe, puis tout, ben les gens travailleront plus. Puis au contraire, les gens prennent plus de risques, évidemment. Il y a beaucoup plus d'entrepreneuriat aux endroits où ça a été testé. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est un pari qui est quand même assez rationnel de prendre. Absolument. Donc, c'était ma chronique de politique fiction. Bon, que j'aurais à dire sur la supériorité de Star Trek sur les autres franchises. T'as presque réussi à nous vendre Star Trek, mais c'est sûr que ça sera jamais Star Wars. Ah, j'ai deux mots à te répondre à ça. Épée laser. Et j'étais tellement phallique. Hein? C'était effrayant. Bon. Ensuite, un peu de nouvelles de ce qui se passe chez nos voisins du Sud. L'herbe y est toujours plus jaune. Ou l'herbe y est toujours plus jaune, oui. C'est en gros, le débat qu'il y a eu dans la dernière semaine, c'est à propos du féminisme. Est-ce que, bon, il y a beaucoup de démocrates qui se disent nécessairement les femmes, les gens qui se disent féministes, devraient voter pour Hillary Clinton parce que c'est une femme. Il a même été dit que les femmes qui votaient pour les femmes qui, se disant féministes qui votent pour Bernie Sanders qui prennent en fait, on n'est pas encore rendu au vote en tant que tel, mais qui prennent pour Bernie Sanders seraient plutôt seraient en fait des victimes du patriarcat et ainsi de suite. La citation exacte, là, c'est quelqu'un, un proche de Hillary Clinton, dans son cabinet, qui a dit il y a un cercle en enfer réservé aux féministes qui vont prendre pour Bernie Sanders. Bon, on s'entend, on est aux États-Unis, donc l'imagerie religieuse n'est jamais très loin, là, on s'entend. Hein? Ceci étant dit, effectivement, est-ce le cas? Je pense que t'avais quelque chose pour leur rétorquer, d'ailleurs, Lucas. Ben, en fait, c'est pas même pas moi qui va rétorquer. Je vais vous lire... Il y a eu sur Internet quelques articles qui ont rétorqué à ça. Il y a eu d'ailleurs Aurélie Langteau qui a écrit un très bon article à ce sujet-là en disant que, bon, Hillary Clinton ne représente pas les femmes. Je veux dire, c'est une femme. C'est une femme, c'est une multimillionnaire qui représente l'élite, qui a jamais vraiment été dans la misère. On sait qu'elle a des gros liens avec Wall Street, qui est connu pour être un des milieux les particulièrement peu... Ce n'est pas un terreau fertile à l'émancipation féminine, on va dire ça de même. Et effectivement, effectivement. Et bon, d'ailleurs, la lettre d'Aurélie Langteau est très bonne. Elle dit que justement, les féministes auraient beaucoup plus à voir avec un homme blanc qui propose de les aider à s'émanciper qu'avec une femme qui ne le propose pas. Bien, évidemment. Puis d'ailleurs, c'était ce qui était arrivé quand au primaire qu'Hillary Clinton, moi je me mêle tout le temps entre les deux courses, mais quand Hillary Clinton se présentait contre Barack Obama. Moi, 2008. 2008, c'est ça, c'était en 2008. Hillary Clinton, beaucoup, là encore, il est arrivé à peu près la même chose. Beaucoup de groupes féministes, en fait, étaient contre Hillary Clinton et plutôt pour Barack Obama, pour à peu près les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'ils disaient une femme qui se travestit en jusqu'à un certain point en homme, dans le sens de ses prises de position, différentes choses qu'elle a faites, qui joue la game du patriarcat, dans le fond, qui joue la game du... De la domination là, de type masculine, même si, au bout du compte, elle est de sexe féminin, elle agit comme tout ce qu'on n'aime pas chez les hommes, ben c'est bien plus intéressant d'être avec l'autre candidat qui est, oui, un homme, mais qui travaille plus pour la condition féminine. Bon. Mais sinon, il y a eu une belle recension dans le passé de Hillary Clinton, voir à quel point c'est vraiment une grande militante féministe. Ils ont sorti, par exemple, que quand il y a eu des allégations de viol, que son mari aurait violé une femme, tout ce qu'elle a essayé de faire, c'est de détruire la victime publiquement. Bon, ça, on s'entend, c'est sûr que quand tu es la femme cocufiée d'un homme qui aurait peut-être, on s'entend en tant qu'épouse là-dessus, peut-être que n'était pas à son meilleur, au meilleur de sa rationalité, mettons. Là. Effectivement. Celle-là, on peut peut-être lui donner un... bon. Mais ça continue, je crois. Bon. Il y a aussi, il y en a qui ont dit que, bon, Hillary Clinton a déjà été sur le board, sur le conseil d'administration de Walmart, qui est l'entreprise la plus discriminatoire envers les femmes. Les femmes sont en moyenne payées 70 cents de moins que les hommes chez Walmart. En fait, ce que j'avais lu, c'est surtout que les femmes sont payées 70 cents pour chaque dollar que les hommes sont payés. C'est-à-dire que les femmes gagnent à peu près seulement les trois quarts. Exact, c'est encore pire. Ta nuance est bonne. Mm. Ensuite, il y a aussi que, bon, elle a déjà appelé les mères monoparentales de « deadbeat ». Ça, c'est un terme péjoratif américain pour dire des gens qui ne foutent rien, en gros. Effectivement. Elle a déjà aussi dit que les hommes noirs étaient des super prédateurs. Là encore, on se demande, est-ce que c'était dans le temps qu'elle se présentait contre Barack Obama ou... Non, c'était pas mal avant. Et aussi, elle a déjà voyagé en première classe en pleine campagne électorale avec son mari pour aller assister à l'exécution d'un homme noir dont le quotient intellectuel était de